Ma bergère non légère en amour me fait recevoir du bien tous les jours. Ma bergère non légère en amour me fait recevoir du bien tous les jours. Je l'amène là pour mener par les champs où nous prenons ensemble de doux passe-temps. Je l'amène là pour mener par les champs où nous prenons ensemble de doux passe-temps. Par la plaine sans grand-peine, nous mettons à même troupeau nos petits moutons. Par la plaine sans grand-peine, nous mettons à même troupeau nos petits moutons. Puis à l'aise, je lui baise son beau sein et sa bouche vermeille, son joli tétin. Puis à l'aise, je lui baise son beau sein et sa bouche vermeille, son joli tétin. Que si j'ose autre chose rechercher, elle ne me veut laisser rapprocher. Que si j'ose autre chose rechercher, elle ne me veut laisser rapprocher. Mais subite prend la fuite, moi après, je sais bien la poursuivre et la joindre de près. Mais subite prend la fuite, moi après, je sais bien la poursuivre et la joindre de près. Si je lève sur sa grève les genoux, sa côte si haut qu'on voit dessous. Si je lève sur sa grève les genoux, sa côte si haut qu'on voit dessous. En furieux, elle crie et me mord, et puis en bien peu d'heures, nous sommes d'accord. En furieux, elle crie et me mord, et puis en bien peu d'heures, nous sommes d'accord. Notre vie sans envie, nous passons charmant nos soucis de gaies chansons. Notre vie sans envie, nous passons charmant nos soucis de gaies chansons. Fille des villes où les filles ne font qu'à des amants qui pour elles conduisent au trépas. Fille des villes où les filles ne font qu'à des amants qui pour elles conduisent au trépas.